une histoire particulière. À la table du casino, les jeux sont faits. Passe, relance, relance à 500 000, dit le croupier. Le silence s'installe autour de la table. On entend le frottement des jetons les uns sur les autres, trahissant les hésitations des joueurs. James Bond porte à ses lèvres sa vodka martini, tout en regardant Wesper Lind dans une robe somptueuse qui ne le quitte pas des yeux. Subitement, le visage de James devient luisant de sueur. Son regard se tourne vers son verre. Il a compris. Vite, vite! Il sait que c'est une question de minutes. Il faut faire vite avant que le poison n'agisse et qu'il ne meure d'un arrêt cardiaque. Vite, vite! Mais titubant, le visage en feu, James se précipite hors du casino et fonce vers son Austin Martin garé juste en face. Respire, respire, James! Vite, vite! Fixe les électrodes du défibrillateur sur ta poitrine. Le temps est compté. Appuie maintenant sur ce fichu bouton, sinon tu vas mourir. Trop tard. Son corps s'affaisse lentement. Non, pas trop tard. Wesper Lind, qui l'avait suivi, se jette sur le boîtier et branche in extremis les deux électrodes. Dans la fiction, 007 est sauvé. Place maintenant au documentaire où la fiction rejoint parfois la réalité. Quand espion rime avec poison. Michel Pomarède, François Test. Décryptage de l'affaire Skripal. L'enquête sur l'empoisonnement de Sergueï et Yulia Skripal se concentre désormais sur le quartier de Salisbury où vivait l'ex-agent secret russe. Les premières conclusions des experts indiquent que la plus haute concentration de l'agent neurotoxique se trouvait sur la porte d'entrée du domicile de Sergueï Skripal. Londres accuse toujours la Russie et critique l'attitude de Moscou. Un agent neurotoxique, en l'occurrence le Novichok, utilisé à Londres le 4 mars 2018 pour tuer un ancien agent des renseignements militaires et sa fille, voilà le début d'une affaire qui empoisonne depuis un an les relations entre l'Angleterre et la Russie. Qui est responsable de cette tentative de meurtre? Pourquoi? Quel est le message derrière cette opération qui rappelle les grandes heures de la guerre froide? Essayons d'y voir plus clair. Marc Urban, donc ici à la BBC à Londres, vous vous occupez de tout ce qui est affaires militaires, diplomatiques, renseignements. Et vous êtes le seul journaliste à avoir rencontré Sergueï Skripal en 2017, c'est-à-dire il y a 2 ans, alors que personne n'avait jamais entendu parler de lui, à Salisbury. Racontez-moi cette rencontre. Bon, j'ai eu l'idée de écrire un livre au sujet de, en effet, la guerre des services de renseignement entre l'Est et l'Occident, et la façon que cette guerre a continué après la fin de guerre froide. Et j'ai fait des recherches sur un échange des espions qui s'est passé à Vienne en 2010. Un était Sergueï Skripal. Il a servi comme colonel dans le service de renseignement militaire russe, le GRU. Il a été condamné en 2006 comme espion pour le service anglais MI6 ou le service de renseignement secret MI6. Bien sûr, c'est le service de James Bond. Et Sergueï Skripal était un prisonnier assez important parce que, après avoir fait son décision de travailler pour les Anglais, il est rentré à Moscou et il est devenu en effet le chef de personnel pour le GRU. Et trouver quelqu'un qui peut avoir une vue sur les opérations globalement, c'est quelque chose de très rare. Il était ciblé comme quelqu'un qui peut révéler les espions russes dans les pays occidentaux. Vous êtes directeur de recherche auprès du Centre français de recherche sur le renseignement. Quand on est une taupe comme Sergueï Skripal et qu'on est échangé contre une autre taupe ou un autre espion, est-ce qu'il y a un gentleman agreement entre services qui fait que quand il y a eu des échanges ou qu'il y a eu des découvertes, les dossiers doivent être clos. Le gentleman agreement, il réside dans le fait que quand on a échangé un espion, eh bien, en réalité, on ne le touche plus. Parce que à ce moment-là, c'est mettre en cause ce système qui marche depuis le début de la guerre froide, qui est le système des échanges. C'est pas le cas des facteurs. Par exemple, un soviétique qui allait se réfugier aux États-Unis, il est vrai que là, les services russes cherchaient à le neutraliser, comme on dit pudiquement. Mais donc, c'est un petit peu d'ailleurs ce qui m'étonne dans l'affaire Skripal, c'est que il y a eu une tentative de neutralisation, et ça se fait pas. C'est tout à fait en dehors des schémas et des règles pratiquées depuis le début de la guerre froide entre les services soviétiques puis russes et les services occidentaux. This is the KGB Blue Book, where Tuomi is listed under his Soviet name. In it, he is named as an enemy of the fatherland. And you got all this from Moscow when you were trained as a spy at a spy school in Moscow? That's right. That's right. That was a major part of my schooling. Donc quand vous le rencontrez à Salisbury il y a 2 ans, il est tranquille, on pourrait dire. Oui. Est-ce qu'il est retiré des affaires? En principe, on peut dire oui. Qu'il a vécu tranquillement là, ouvertement. Son adresse était écrite dans le... Ouais. Et la chose importante pour lui, c'était de éviter des paroles contre Poutine ou contre le pouvoir russe, contre le Kremlin, et de vivre tranquillement. Mais, bien sûr, comme espion d'autres niveaux dans le service militaire russe, il était quelqu'un assez rare dans l'Occident. Et il a pu faire des missions de consulting pour les services de renseignement, soit en Suisse, soit en Pologne, soit en Estonie, soit en Espagne. Peut-être ce travail a mené les Russes à penser qu'il a commencé de nouveau une carrière d'espion. Qu'est-ce qui se passe quelques mois plus tard, Mark Urban? Comment est-ce que vous découvrez tout d'un coup cette histoire de Novichok, ce poison déposé sur la porte d'entrée de la maison de Sergei Skripal à Salisbury? J'ai pensé, oh là là, parce que j'ai su qu'il a eu assez de tragédies dans sa vie. La perte de sa femme, même de son fils, dans l'été 2017. Et j'ai pensé, oh là là, quelle tragédie, encore des problèmes pour lui. Quelle est la lecture que vous, l'expert en renseignement, vous faites de cette affaire? Bon, on doit dire, et beaucoup de gens m'ont demandé, pourquoi Skripal a été ciblé comme ça? Et à mon avis, il a joué un rôle symbolique, comme quelqu'un qui a trahi le service de renseignement, est aussi important, quelqu'un qui était disponible pour la revanche. Parce qu'il y a quelques autres, pas beaucoup, mais quelques autres ex-officiers de le groupe, par exemple, dans les États-Unis, mais ils sont bien cachés là. Et Sergei a vu ouvertement à Salisbury. Et si on fait le combinaison de son importance symbolique comme quelqu'un qui a trahi l'État et son disponibilité comme cible. Je pense que ces choses étaient les deux choses les plus importantes dans leur décision. Flashback, Londres, novembre 2006, déjà une affaire d'empoisonnement. L'image avait fait le tour du monde. Alexandre Litvinenko agonisant sur son lit d'hôpital. Empoisonné au polonium 210, une substance hautement radioactive, l'ancien agent russe était décédé en novembre 2006. Il avait été pris de violentes douleurs après avoir pris un thé avec deux Russes dans cet hôtel de Londres. Le Kremlin a toujours nié être responsable de sa mort. Mais en 2016, la justice britannique a conclu que le président russe Vladimir Poutine était probablement derrière le meurtre de l'ancien espion. Luc Harding, vous êtes journaliste au Guardian. Vous avez été aussi correspondant à Moscou. Vous avez écrit il y a 2 ans un livre sur l'affaire Levitenko. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu parler de l'empoisonnement raté au Novichok de Sergei Skripal? Il y a une expression formidable en français qui traduit parfaitement ce que j'ai ressenti. C'est le sentiment de déjà vu. Parce qu'on a déjà assisté à cette scène. On a 2 assassins, pas très bons, envoyés par Moscou, qui voyagent en avion et qui transportent un poison terrible pour tuer, ou dans le cas de Skripal, pour tenter de tuer, quelqu'un considéré par Moscou comme un traître, un ennemi. Dans les deux cas, le plan ne se déroule pas comme prévu. Il y a un énorme retentissement international qui fait les gros titres dans le monde entier, qui donne lieu à une crise diplomatique importante, dont je dirais qu'elle a été délibérément organisée par le Kremlin et Vladimir Poutine pour différentes raisons. La différence entre les deux opérations, est-ce qu'il y en a une, c'est un succès et l'autre, c'est un échec? Je pense que l'opération Litvinenko a été une réussite très limitée. On a découvert, grâce à une enquête publique menée par la Grande-Bretagne en 2016, que ces assassins étaient assez mauvais. Le KGB avait de bien meilleurs tueurs pendant la guerre froide. En 2006, ils envoient ces deux idiots, Dmitri Kovtun et Andrei Lugovoy, qui essaient de tuer Litvinenko. Ils échouent, ils versent du polonium radioactif dans le lavabo de la salle de bain de leur hôtel. Ils reviennent, échouent à nouveau et enfin réussissent à le tuer. Mais je pense que le problème, c'est que l'opération de Litvinenko était censée apparaître comme une mort mystérieuse. En réalité, ce qu'on a obtenu, grâce au bon travail de la police et des analyses scientifiques, c'est la découverte de ce poison, cet isotope radioactif très rare, et cette énorme crise diplomatique mondiale qui mène à un gel des relations entre Londres et Moscou qui dure encore aujourd'hui. Pour Sergei Skripal, c'est la même chose. C'est presque comme si on avait ces tueurs tout droit sortis du XXe siècle, parachuté dans un 21e siècle avec Facebook, avec des caméras de surveillance opérables à distance, partout. Dans les deux cas, il suffit de suivre leurs traces grâce aux indices et de remonter la piste qui vous mène directement à Vladimir Poutine. Révélation, novembre 2018. Il est l'un des deux hommes inculpés par la justice britannique dans l'affaire de l'empoisonnement de Sergei Skripal, Ruslan Botchirov, ou plutôt Anatoly Chepiga. Son vrai nom, selon Bellingcat, un site d'investigation spécialisé dans les affaires d'espionnage. Selon ses informations, il serait un officier du GRU, le renseignement militaire russe. Et en 2014, il aurait même reçu la distinction de héros de Russie, la plus haute du pays. Une version qui vient compromettre celle avancée par Vladimir Poutine. Le président russe désignait les deux hommes comme de simples touristes. Monsieur Bollec, vous êtes chercheur sur la Russie ici à Londres, à Chatham House. C'est l'Institut royal des affaires internationales. Quel regard vous portez sur cette affaire Skripal? Ma vision et ma lecture de l'affaire Skripal, c'est que c'est finalement pas Skripal le plus important, c'est le message envoyé à la fois par les autorités russes, les intérêts russes derrière les responsables de l'affaire, qui compte. Et un certain nombre de messages envoyés aux agences de sécurité en Russie, à la population russe, avec cette logique néo-patriotique de « on montre la puissance et la capacité de la Russie à défendre ses intérêts à l'étranger », et également à la communauté internationale, avec tout la récupération de ce message, justement, qui est plus une récupération. Finalement, pour moi, la lecture de Skripal, c'est d'abord une question interne qui a été propulsée sur la sphère internationale, parce que c'est une opération qui est fondamentalement ratée. je pense qu'il faut bien le dire correctement, les forces de sécurité actuelles russes, et notamment les renseignements militaires, ne sont plus capables de mener des opérations telles qu'à l'époque de la guerre froide, où les assassinats ciblés étaient très bien rodés, très bien exécutés. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une opération finalement qui a foiré, si je peux me permettre. Donc une récupération internationale, à cause de cette visibilité, à cause de cette opération ratée, dont le Kremlin était obligé d'hériter finalement en termes de messages, qui embête plus le président Poutine, sous période de sanctions, à un moment où la Russie commence peu à peu à se réinsérer dans la sphère internationale. On parle beaucoup de coopération avec les États-Unis ou des coalitions plus larges en Syrie, notamment. La place de la Russie dans toute l'architecture de sécurité au Moyen-Orient. On a besoin de la Russie à l'heure actuelle. Sur des questions également avec l'Iran, sur les questions des sanctions qui sont de plus en plus compliquées à gérer aujourd'hui en Europe, où la Russie se réintègre progressivement. Donc au final, Poutine n'avait pas vraiment besoin de tant de lumière négative sur la Russie, avec encore plus une affaire qui est relativement sale. L'utilisation d'une arme chimique dans les rues d'un pays occidental, c'est quelque chose de complètement délétère en termes d'image. Donc au final, plus de lumière sur une affaire qui n'était pas nécessaire à l'heure actuelle et qui met effectivement en danger cette espèce de London Grad, cette espèce de compromission très réelle, très marquée, qui existe toujours entre les capitaux britanniques, notamment des territoires offshore, et l'argent russe qui circule. L'argent russe, la finance, les flux financiers, les flux bancaires, mais également l'immobilier et la présence de nombreux oligarques russes, que ce soit en Angleterre et plus spécifiquement à Londres, qui certes ont un petit peu fui la City depuis quelque temps, mais sont toujours très présents. Est-ce que c'est un travail d'amateur ? Non. S'ils ont voulu cacher... Le journaliste de la BBC, Marc Urban. Cette opération, il y avait des autres moyens de le faire. Par exemple, on peut chercher des criminels simples, des assassins, de mafia, de la Serbie ou de la Tchétchénie, quelque part comme ça. Et les envoyer pour tuer avec leurs propres mains ou un couteau dans sa maison pendant la nuit. À mon avis, c'était un signal absolument délibérant. Le choix de poison, quelque chose de très rare, contrôlé par l'État. Le polonium et le novichok. Et c'est très difficile à transporter en plus. Enfin, il faut faire très attention. Oui, il faut faire attention. Mais si on est bien préparé et on a aussi les antidotes, on peut le faire. Donc en fait, c'est quoi ? C'est Poutine qui dit maintenant, faut arrêter de se moquer de nous. On a fait un échange en 2010. L'échange n'a pas été respecté, on se venge ? Oui, même que il peut faire ce qu'il veut, que ceux qui, dans son avis, ont trahi l'État russe, ne peuvent pas jamais rester tranquillement dans leur lit, et même que peut-être qu'une petite épisode de russophobie va être utile dans le contexte des élections russes. Et à ce temps-là, ses conseillers avaient eu un peu de peur qu'il y aura une basse turnout des voteurs. Oui, que les gens se mobilisent. Se restent chez toi. Se mobilisent peu pour aller voter. Ouais. C'est un message à l'extérieur et à l'intérieur. Ouais. Et même cet entretien assez rigolo avec les deux suspects. Pour le public russe, l'entretien a eu son importance aussi. C'était pour dire, oui, c'était nous, mais nous allons protéger nos gars. Ils vont rester sûrement ici, chez nous. Et les Anglais, les Américains peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est comme ça. Et c'était en effet un doigt d'honneur à l'Occident. Mathieu Bouleg, revenons à l'affaire Skripal. Vous dites qu'elle est ratée. Quand on interroge Marc Urban, le journaliste de la BBC qui a rencontré Sergueï Skripal avant son empoisonnement, lui, il dit qu'elle est complètement réussie et que la visibilité donnée aux agents, les traces laissées, ça fait partie de la publicité de la puissance russe. Alors, c'est une interprétation que je ne partage pas. Je pense qu'aujourd'hui, la vérité n'a plus d'importance. C'est probablement la chose la plus maligne que le président Trump a dit un jour, c'est que finalement, la vérité a peu de sens. Il y a autant de vérité que de personnes, et il y a autant d'intérêt qu'il y a de subjectivité. Sens où chacun peut donner son interprétation, et s'il est capable de la justifier, elle aura autant de valeur qu'une autre. Pour moi, l'affaire Skripal est une opération de l'intérieur, menée par des agents de renseignement, pas forcément sous l'égide du Kremlin ou pas forcément sous l'égide du commandement des renseignements militaires ou des agences responsables. Elle a lieu avant des élections où toute période électorale, même si c'est joué d'avance, sont toujours un moment de partage des réseaux, de reconfiguration des réseaux de pouvoir, notamment dans la sphère sécuritaire, qui est l'un des piliers du pouvoir du président Poutine. Et ces agences sont en compétition ouverte les unes contre les autres à l'heure actuelle. Depuis quelques années, elles se tirent dans les pattes en permanence, essayent de récupérer la couverture vers elles, et notamment au sein des agences. Elles sont en compétition entre elles, mais aussi au sein d'elles-mêmes, pour récupérer finalement du temps d'audience auprès du président Poutine. Le faisceau d'interprétation est aussi important que vous voulez qu'on peut en donner. Et l'attribution est encore plus importante, puisque ce décalage de 15 jours entre justement la réalisation de l'opération et la réponse montre que il y a eu un défaut de communication au sein du leadership qui n'était probablement pas au courant que cette opération allait avoir lieu, allait se dérouler et dans quel contexte. Avec une, pour moi, encore une fois, cette opération ratée, avec un certain nombre de signes qui montrent que c'est au-delà du message. Pour une agence de renseignement qui opère dans le flou, dans le trouble et dans l'illégal, se faire avoir pour une question de bouteille de parfum oubliée dans une rue, tout en mettant en danger la vie de citoyens britanniques, parce que ce ne sont pas des pratiques habituelles des agences de renseignement russes, encore moins du GRU. The major threat to the world today, communist imperialism. Mais Luc Harding, la réponse en 2006 de la Grande-Bretagne et de l'Europe, ça a été quoi? Et la réponse en 2018 par rapport à Skripal, c'est quoi? Est-ce qu'il y a eu la faiblesse d'un côté et là, quasiment, on s'empare de l'affaire Skripal pour expulser des diplomates, mais est-ce que c'est une vraie réponse? J'étais à Moscou, correspondant pour le Guardian en 2007, quand Gordon Brown, qui était alors Premier ministre du Royaume-Uni, mais que tout le monde semble avoir oublié aujourd'hui, a demandé l'extradition des deux tueurs, Lugavoy et Kovtun. Poutine a déclaré en substance « Allez vous faire voir, on ne vous livrera pas ces hommes ». Il a accusé les Britanniques de faire preuve d'arrogance et d'avoir des pratiques colonialistes. Et donc, le gouvernement britannique a expulsé 4 diplomates russes. Les Russes ont fait de même et on s'est arrêté là. Je pense que ça a été une occasion ratée. Parce que les Russes ont compris qu'ils allaient pouvoir s'en tirer comme ça, qu'il n'y aurait pas de lourdes conséquences diplomatiques. Ensuite, on a eu David Cameron, également ancien Premier ministre, pas très bon, qui a essayé de négocier autour de l'affaire Litvinenko pour avoir de bonnes relations commerciales avec la Russie. Ça a marché jusqu'en 2014, quand Poutine s'empare de la Crimée, puis finit par envahir l'Ukraine. Et là, je pense que la réalité de la situation est clairement apparue, et que les capitales européennes se sont rendues compte, peu à peu, à Berlin et à Paris, que la Russie agissait au XXIe siècle comme un État voyou. Poutine n'utilise pas seulement la répression, comme on le pensait dans les années 2000, il est dangereux sur la scène internationale, c'est un aventurier. Donc, lorsque Skripal entre en scène, à nouveau quelqu'un de plus ou moins muselé par le pouvoir, ou qu'on a essayé de museler, la réaction a été beaucoup plus énergique. De façon surprenante, il y a eu une coalition internationale très forte qui a réuni l'Union européenne, la France, et c'est plus étonnant, les États-Unis, suivis d'expulsions en masse. 22 diplomates ont été renvoyés par Londres. Je pense que le Kremlin a été surpris. D'une réaction faible en 2006, nous sommes passés à une réaction beaucoup plus ferme en 2018. Cela dit, si Poutine devait recommencer, je pense, et j'en suis quasiment certain, il recommencerait. Quelle lecture, Mathieu Boulek, faites-vous de l'expulsion des 160 diplomates par les Américains, les Français et les Britanniques après l'affaire Skripal? Alors c'est un geste symbolique qui est purement symbolique. nécessaire pour montrer un signe d'unité, mais c'est aussi et avant tout un signe de faiblesse que l'on envoie à la Russie, en montrant que la seule réaction que l'on a unifiée, réellement unifiée en Occident, c'est du symbolique gentil. Quand il s'agit d'aller taper la Russie et dissuader la Russie, le plus grand monde. Mathieu Boulik, est-ce qu'il pourrait y avoir une affaire Skripal à Washington ? L'affaire Skripal américaine, c'est l'interférence électorale. Toutes les enquêtes de Robert Mueller à l'heure actuelle, c'est un peu le Skripal américain. Dans le sens où la Russie déploie contre l'Occident, le long d'un espèce de spectre de méthode et le long d'un espèce de ligne de méthode et de tactique inframilitaire, un certain nombre d'outils qui recherchent à maximiser les effets en minimisant les coûts à un temps donné. Donc guerre électronique contre les États-Unis et guerre sale contre l'Europe avec Polonium et Novichok. Exactement. L'Angleterre, plus facile d'accès, plus proche, avec des intérêts financiers. Et finalement, des relations bilatérales tellement mauvaises que la Russie n'hésite pas à les compromettre encore plus avec une attaque et la récupération politique d'une attaque avec un agent nerveux. États-Unis, plus compliqué, relations tendues depuis 1918. La Russie a besoin des États-Unis malgré tout, plus qu'elle a besoin de l'Angleterre, donc garde ses distances vis-à-vis de ce genre d'attaque sale, entre guillemets. Mais continue malgré tout, parce que pourquoi pas, parce qu'elle peut le faire et qu'elle en a aujourd'hui la capacité de mener des attaques inframilitaires par différents moyens. Effectivement, interférence électorale, guerre électronique, cyberguerre, intrusion dans les serveurs de campagne politique, compromission de Trump. Je pense qu'aujourd'hui, on en est juste à la pointe de l'iceberg de ce que la Russie détient sur Trump. Je suis à peu près persuadé que depuis que Trump évolue en Russie, depuis les années 90, en termes d'affaires et de business, le Kremlin et les services de renseignement ont un beau dossier sur Trump, qu'ils distillent de temps en temps pour récupérer des gages politiques. Si la Russie évolue de manière aussi libre en Syrie à l'heure actuelle, et si justement aujourd'hui les États-Unis se sont désengagés en partie de Syrie avec les annonces récentes, c'est que la Russie tient également personnellement Trump par certaines parties de son corps qu'il exploite plus que d'autres. Mark Urban, où est Sergei Skripal ? Bon, officiellement, ils ne disent presque rien, nos services, nos ministres. Mais il est en Angleterre. Il reste ici avec sa fille. Il est protégé. Pas, il n'est pas protégé par la CIA, il n'est pas parti aux États-Unis. Non, je ne pense pas. Il y a assez de raisons pour le garder ici. Et est-ce que cette affaire vous a exposé, personnellement ? Aux enquêteurs, alors peut-être... Oui, un peu, parce que, comme vous savez, il y avait en effet une guerre d'infos entre les Russes et les Anglais et les Américains. Et j'étais ciblé, si on peut le dire, comme quelqu'un pour les Russes à attaquer, quelque chose comme ça, sur les médias sociaux. L'ambassade russe ici a fait un tweet sur le livre et il a dit que j'ai des liens avec les services secrets ici. Car quelques mecs a répondu « Ah bien, en ce cas c'est fiable l'info ». Et bien sûr, parmi beaucoup des années, j'ai eu des conversations avec des gens qui ont travaillé pour les services secrets. Mais jamais, sûrement, j'ai travaillé même pour eux. Quand espion rime avec poison, décryptage de l'affaire Skripal. Avec Mark Urban, spécialiste des affaires de renseignement à la BBC et auteur d'un livre sur l'affaire Skripal. Alain Rodier, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement. Luc Harding, ancien correspondant à Moscou du journal The Guardian. Et Mathieu Boulegue, chercheur à l'Institut royal des affaires internationales à Londres. Traduction Caroline Ferrard avec la voix de Arnaud Carbonnier. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomarède. La suite du documentaire « Quand espion rime avec poison » ce sera demain à 13h30.